premier temps de notre nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des parfums et à l'histoire des odeurs. Ce matin, goût et dégoût des parfums et des odeurs dans l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Demain, dans la Fabrique de l'Histoire, nous visiterons une exposition tout juste ouverte à Paris sur les parfums de Chine. Mercredi, notre émission portera sur le métier de parfumeur et jeudi, sur le lien entre religion et odeur. Quant à aujourd'hui, eh bien, dans cette émission du lundi, en deux parties, nous mettrons en avant deux ouvrages tout juste parus ou même apparaître pour l'un d'entre eux. Et c'est ce premier, et donc collectif, c'est la revue pluridisciplinaire publiée par les presses universitaires du Midi. Cette revue s'appelle Palace et on viendra nous en parler Jean-Christophe Courtil, qui l'a entre autres coordonné. Elle est le fruit d'un travail collectif sur les goûts et sur les odeurs de l'Antiquité. Travail collectif du laboratoire Patrimoine, Littérature et Histoire à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Puis en deuxième partie de cette émission, nous aurons le plaisir de recevoir Brigitte Munier. Elle est enseignante-chercheure à Télécom Paris Tech en sociologie et anthropologie. Elle est spécialiste de la question des mythologies et elle a publié un ouvrage qui vient tout juste de sortir, Odeurs et parfums en Occident, c'est aux presses du Félin, aux éditions du Félin. Avec elle, nous nous demanderons pourquoi ce sens, l'odorat, a été longtemps minoré dans notre propre culture. Le parfum préféré de Cléopâtre était ce qu'on appelle le kifi. On a cinq grands textes qui nous parlent de ce parfum, à la fois en égyptien, en grec et en latin. Et par conséquent, il y avait 16 ingrédients différents qui entraient dans la composition. C'était essentiellement un parfum fruité épicé qui avait une base de gomme et d'huile. Les fleurs qui intervenaient, en l'occurrence, étaient essentiellement les fleurs de l'iris et du genêt, semble-t-il. Il n'est point mentionné de rose, mais ce qui nous frappe surtout, c'est la présence de gomme des térébintes. Il y avait un parfum essentiellement, comme vous le voyez, qu'on qualifierait de nos jours essentiellement de boisé épicé. Voilà un extrait d'une émission des Nuits Magnétiques de France Culture. C'était en 1987, produite par Pascal Charpentier. On y entendait Paul Faure, professeur de grec à l'université de Clermont-Ferrand, avec beaucoup de semble-t-il. Bonjour Jean-Christophe Courtil. Bonjour. Beaucoup de semble-t-il parce qu'en fait, c'est une des difficultés de l'historien et de l'anthropologue de se plonger dans un passé pour en retrouver les odeurs. On le sait évidemment depuis les travaux d'Alain Corbin ou plus récemment encore de Robert Muchimblé que nous recevions il y a quelques mois dans la Fabrique de l'Histoire avec sa civilisation des odeurs. Comment savoir quelle était l'odeur d'une période, d'un endroit, d'un temple ou de la rue à Pompéi, à Athènes ou à Thèbes? Alors c'est une question très complexe. Et elle est d'autant plus complexe que nous disposons, nous, historiens, historiens de l'art, historiens de la médecine, historiens de la philosophie, nous disposons de divers matériaux, de diverses sources. Et ces sources sont complexes, puisque nous avons des textes dans lesquels nous avons des noms d'ingrédients. Nous avons également des preuves archéologiques qui deviennent de plus en plus utilisables avec l'avancée des techniques, puisqu'il y a une science qui se développe en ce moment de manière assez importante, qui est l'archéobotanique, l'analyse chimique des restes botaniques est également intéressante, puisqu'on va pouvoir analyser un certain nombre de substances qui se trouvent soit à la surface de statues, soit dans de la céramique grecque, par exemple. On a également l'iconographie, puisqu'on a des scènes de processions rituelles, on a des scènes de funérailles, par exemple, qui sont représentées, je pense, à l'Égypte pharaonique, bien sûr, puisqu'on a de grandes fresques pour l'Égypte pharaonique de scènes de rites, de cultes qui utilisent des parfums. On a également de la littérature, bien sûr, de la littérature cosmétique, dans le sens où on a un certain nombre de descriptions de substances pour l'usage profane des parfums, mais on a également de la littérature médicale dans laquelle on a des recettes, et également de la littérature même culinaire, puisque même dans les recettes de cuisine, on a un certain nombre d'aromates qui relèvent au sens large de ce qu'on pourrait appeler les parfums. Sans compter la littérature religieuse dont on parlera dans notre émission de jeudi, et pour laquelle nous avons invité une des participantes à ce numéro que vous avez coordonné, Jean-Christophe Courtil, donc de la revue Palace. Elle s'appelle Véronique Mel, elle viendra nous parler justement de cette question des usages médicaux, pourrait-on dire, des usages religieux, des parfums et des odeurs, en particulier dans la Grèce antique. Mais si on remonte, grâce à ce numéro que vous avez consacré au goût et aux odeurs dans l'Antiquité, donc dans cette revue Palace, par exemple, à cette Égypte dont vous parliez à l'instant même, Jean-Christophe Courtil, c'est vrai qu'une des questions passionnantes, c'est d'essayer de savoir comment arrivent des goûts et des odeurs, en particulier dans une Égypte qui, évidemment, dont la civilisation a duré plusieurs millénaires, au moins 3, sinon 4 millénaires, et donc avec des évolutions au fur et à mesure de ce temps, puisque entre-temps, on a acclimaté de nouvelles plantes, on a acclimaté de nouvelles odeurs, et on s'est d'une certaine façon convaincu que ces odeurs étaient des odeurs particulièrement intéressantes pour la culture qui était la culture de l'Égypte antique. Oui, là on touche un problème capital de ce thème de recherche, puisque une des sources fondamentales, ça reste quand même les textes, ça reste les noms d'ingrédients, et on sait aujourd'hui, grâce aux archéobotaniques, que nous avons des termes de la botanique qui ont changé de sens au cours des époques. Il ne faut pas se fier à la façon dont on appelle dans un texte du Moyen Empire, par exemple, une plante, parce que cette plante peut être appelée de façon différente quelques siècles plus tard, et donc on est un peu ennuyé. C'est le cas d'ailleurs de ceux qui réfléchissent à ces questions-là, Elisabeth Dodinet dans ce numéro, ou encore Dominique Farou pour les goûts étrangers, les odeurs de fête en Égypte. C'est comment se fier à ces textes. Oui, tout à fait. Elisabeth Dodinet, d'ailleurs, a très bien montré dans son article que il y a parfois des glissements sémantiques d'un même terme. Le terme de l'encens, par exemple, est tout à fait révélateur, puisque ce qu'on appelle de l'encens dans l'Antiquité, alors on a souvent dit ça correspond à la famille, hein, si on prend la classification linnéenne, c'est la famille des Boswellia. Mais dans la famille des Boswellia, il y a diverses espèces, il y en a une quinzaine, et ces espèces-là, en réalité, elles ne sont pas distinctes, elles ne sont pas distinguées dans l'Antiquité. Donc on a bien souvent des références à l'encens sans qu'on sache exactement ce dont il s'agit. Et ce qui est amusant, c'est que il y a certainement des glissements, c'est-à-dire le même terme a certainement désigné sur une sphère, on va dire, géographique large comme celle dont on parle ici, puisque les parfums arrivent, on va dire, d'une région située entre le sud de la péninsule arabique et... C'est la fameuse région du Punt, exactement, dont on ne sait d'ailleurs pas où elle se trouve exactement. Oui, c'est un des problèmes de l'historien aujourd'hui ou du géographe. On a au moins l'Arabie bienheureuse, hein, qui tient son surnom de ce commerce, justement, des épices et des aromates. Donc on va dire Oman et le Yémen actuel. Dans le sud de la péninsule arabique, qui est on va dire le point de départ de ce commerce méditerranéen des aromates et des épices et des substances, on va dire au sens large, des substances odorantes. Donc les produits partent de là généralement, puis arrivent. Là, on est au 4e millénaire avant notre ère, arrivent en Égypte et Elisabeth Dodinet. Alors Elisabeth Dodinet, elle s'est particulièrement intéressée à l'étymologie en sumérien, dans toutes les langues qui correspondent grosso modo à ce qu'on appellerait les Babyloniens. Bon. Ce qui est intéressant de noter, c'est que elle laissé de démontrer dans son article on ne peut pas se fier sur ces termes-là parce que on ne peut pas se fier à ces termes-là parce que il ne renvoie pas à des entités botaniques extrêmement précises. Oui, alors on apprend en lisant Dominique Farou dans cette revue Palace que vous avez coordonnée entre autres Jean-Christophe Courtil, on apprend que les grenades et les pommes de Syrie arrivent au deuxième millénaire, donc ça fait déjà longtemps que la culture et la civilisation pharaonique est installée en Égypte et que ça n'est qu'à ce moment-là qu'on peut dire que, on a apprivoisé ces matières, ces végétaux et que, cette odeur de la grenade et cette odeur de la pomme venant de Syrie sont partagées par une culture qui est une culture de cours tout de même, parce que les traces qu'on a de ces façons dont on peut se parfumer ou sentir de nouvelles odeurs, c'est plutôt pour les classes les plus huppées de la société égyptienne, Jean-Christophe Courtil. Oui, on est à une époque où les odeurs, c'est principalement la bonne odeur, eudia en grec, qui est un concept important dans l'Antiquité. La bonne odeur est d'abord l'odeur de Dieu. C'est-à-dire que il va avoir une déspiritualisation de la notion. On va dire qu'il va y avoir un passage au profane du parfum. Mais dans les premiers temps de la civilisation humaine, il semblerait que le parfum soit réservé d'abord à un contexte rituel, à un contexte de prière. On en trouve dans les temples. Puisque les premiers parfumeurs, ce sont des fabricants d'onguents pour oindre les statues des dieux, ce sont des fabricants de substances pour les fumigations des temples, ce sont des fabricants de substances pour accompagner les morts dans l'au-delà. On connaît tous les procédés de momification dans l'Égypte pharaonique. Donc il s'agit d'attester de la présence du divin dans le monde humain, mais dans un espace, on va dire, clos et absolument délimité, qui est l'espace de la bonne odeur, qui est le temple. Et il s'agit également, bien sûr, vu le cheminement que fait l'odeur du bas vers le haut, de créer un lien de communication entre l'humain et le divin qui se retrouve dans ce cadre-là. Ça, c'est absolument extraordinaire. C'est d'ailleurs ce que dit Régis Burnet dans ce numéro de Palace. C'est effectivement que c'est un vecteur de communication, parfum. Alors, on en discutera tout à l'heure avec notre deuxième invité, Brigitte Munier. Est-ce que le parfum que l'on porte chacun sur soi est un vecteur de communication? C'est peut-être le cas, mais c'est entre humains, en l'occurrence, que cela se passe. Mais là, en l'occurrence, c'est une façon de parler aux dieux ou d'imaginer que les dieux vous reçoivent, vous entendent par l'intermédiaire des odeurs qu'on leur envoie, alors que eux-mêmes sont entourés d'un espace odorant qui est un espace parfait, pourrait-on dire. On imagine effectivement qu'ils sont entourés, pour les dieux de l'Olympe par exemple, de l'ambroisie, du nectar. Et puisqu'ils ne se sustentent jamais, d'une certaine façon, c'est cette odeur qui les fait vivre et dans laquelle ils vivent. Et pourtant, les humains trouvent nécessaire de leur envoyer de nouvelles odeurs pour pouvoir leur parler. Oui, les dieux sont bonne odeur. C'est-à-dire, dans l'Antiquité, il y a une sorte d'assimilation entre la bonne odeur et le concept, la notion même de dieu. Les Grecs anciens, puisque vous y faisiez allusion, les Grecs anciens considèrent que, ce ne sont pas les seuls d'ailleurs, mais considèrent que le dieu habite véritablement sa statue. Donc, lorsque on est en présence de la statue du dieu, alors bien sûr, il y a la vision qui joue un rôle, même d'ailleurs l'audition, Aline Grand-Clément parle de synesthésie à ce sujet, c'est-à-dire qu'on a effectivement tous les sens qui sont mis en branle par l'apparition divine, mais l'odorat est très important parce que en sentant cette odeur qui vient en fait de l'onction de la statue même, en sentant cette odeur, j'ai l'attestation que le dieu est là. Le dieu est là, je suis en communication avec le dieu. Et il est évident que à la fois par cette odeur et par la fumée de l'encens qui sort des brûlants-encens du temple, j'ai la visualisation et l'olfaction même de mon rapport à Dieu et de ma communication avec lui. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'effectivement, on va retrouver ça dans la religion chrétienne. C'est ce qui est expliqué dans ce numéro de Palace. C'est-à-dire que voilà donc Paul de Tarse qui s'adresse aux Corinthiens et qui leur dit, ben voilà, il y a la bonne odeur de Dieu, et cette bonne odeur du Christ, en l'occurrence, ce sont les apôtres qui la portent contre les mauvaises odeurs. Et là, il y a une réflexion à avoir sur la transmission par l'intermédiaire du judaïsme sûrement, mais peut-être aussi plus largement d'autres religions du Moyen-Orient, au christianisme, de cette question de la bonne et de la mauvaise odeur, Jean-Christophe Courtil. Oui, il y a une sorte de glissement là aussi entre le sacrifice païen, hein, et le sacrifice du Christ, puisque finalement cette reprise de la notion de bonne odeur, hein, dans la traduction grecque de la Bible, on a cette idée de la bonne odeur du Christ, odia tout Christou, c'est cette idée selon laquelle le Christ lui-même émane cette bonne odeur en étant en quelque sorte une entité qui représente, qui incarne en lui seul l'idée de sacrifice, puisque dans le culte païen, la bonne odeur, c'est quand même quelque chose qui est lié au sacrifice, puisque c'est au moment où je vais sacrifier au Dieu que j'ai l'odeur de la viande qui brûle sur l'autel, que j'ai l'odeur de l'encens qui s'élève, les volutes parfumées qui s'élèvent au-dessus de l'autel. Donc cette bonne odeur païenne est transposée dans la sphère paléo-chrétienne pour faire du Christ une incarnation à un niveau supérieur du sacrifice, puisqu'il y a une sorte de spiritualisation du sacrifice, dans le sens où on va commencer dans le culte païen à sacrifier des animaux, ce sont des sacrifices sanglants, parfumés. Le Christ, lui, c'est simplement une odeur, et peu à peu, cette odeur va être abandonnée entre guillemets, parce qu'on a toujours des pratiques dans le culte chrétien, des pratiques parfumées, mais va peu à peu laisser place au degré le plus spirituel du sacrifice, c'est-à-dire la prière seule, hein, qui n'est plus forcément odorante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on lit Régis Burnet dans ce numéro de la revue Palace à paraître, je le précise pour nos auditeurs qui voudraient la lire au mois de juin, consacré aux goûts et aux odeurs dans l'Antiquité, et publié par les presses universitaires du Midi, Jean-Christophe Courtil, on comprend qu'il y a même une autre sphère qui n'est pas la sphère chrétienne, qui est la sphère hellénistique, donc issue d'une tradition grecque, en l'occurrence, qui dit que la sagesse, la vertu sont comme un parfum que l'on peut respirer. Donc le Christ, il est à la fois lié à la question du sacrifice et donc à une question plus ancienne liée aux sacrifices animaux dans les temples du Proche et du Moyen-Orient, mais aussi à une version hellénistique de cette idée que, puisqu'il est sage, c'est comme cela qu'il est considéré en tout cas par ses apôtres, eh bien, il porte en lui cette vertu du parfum que l'on peut respirer. Oui, c'est une idée très ancienne, semble-t-il, qui lie la bonne odeur à la santé de manière générale. C'est-à-dire, la bonne odeur, c'est la santé. Un corps qui est en mauvaise santé exhale un certain nombre de mauvaises odeurs. De là vient un certain nombre d'idées, hein. On a peur de l'odeur de la mort, c'est pour ça qu'on va embaumer les corps, qu'on va parfumer les tombes, etc. On a peur de l'odeur morbifique, hein, du miasme, hein, dans l'Antiquité, de cette odeur qui est l'agent pathogène lui-même, en réalité, qui n'est même pas la conséquence d'une maladie. Et donc, de manière générale, la bonne odeur, c'est la santé. C'est la santé du corps, mais c'est la santé de l'âme aussi. Donc, c'est une sorte d'émanation de la vertu, c'est une sorte d'émanation des qualités morales. Et si le Christ est bonne odeur, c'est aussi parce que de sa bonne odeur, il va transmettre la santé et la vertu à tous dans un mouvement d'évangélisation. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes spécialiste de littérature latine, en l'occurrence Jean-Christophe Courtil, vous êtes maître de conférence en langue et littérature latine à Jean Jaurès à Toulouse, vous avez coordonné ce dossier donc de Palace, qu'est-ce qui fait que au moment où s'instaure le christianisme, et en parallèle se développe par exemple le culte impérial à Rome, eh bien cette question du parfum est prise de différentes manières. Par exemple, qu'en est-il de ce qui se passe avec Néron, de ce qui se passe avec la création de la Domus Aurea, par exemple, dont Suétone nous parle, et de ces salles à manger, cette salle à manger qui répand depuis le plafond, caché derrière des plaques d'ivoire, eh bien, des parfums et des odeurs de fleurs. Pourquoi y a-t-il cela dans la Domus Aurea de Néron, par exemple ? Alors chez les Romains, la question est un petit peu différente parce qu'elle entre dans la problématique générale du rejet dans la pensée traditionnelle et conservatrice des aristocrates romains, du rejet de manière générale de tout ce qui relève de l'Orient, de tout ce qui relève de la luxuria, de la débauche de l'Orient. Et les épices et les substances aromatiques, les substances parfumées, tout ce qui relève en réalité du plaisir du corps, on va dire, est rejeté de manière... Par les vieux romains. Oui, par les vieux romains. On a ça chez Pline, on a ça chez Sénèque. Oui, mais les vieux romains, ils ne durent pas si longtemps que ça, parce qu'à partir du 1er siècle, Apicius arrive avec son Recoquinaria. Donc à partir de ce moment-là, on va acclimater les aromates à la cuisine romaine et les vieux romains, ils vont continuer à manger ce qu'ils mangeaient auparavant, mais on va changer le régime alimentaire. Oui, mais là on a vraiment deux pensées, on a vraiment deux courants chez les romains. On a effectivement ce courant conservateur qui essaie tant bien que mal, d'ailleurs, parce que ça n'aura pas grand effet, mais tant bien que mal de s'opposer à cet hellénisme qui fait entrer l'Orient quelque part à Rome. Comme Sénèque plus tard, va s'opposer aux condiments, à tout ce qui peut rajouter quelque chose à la saveur du plat que l'on est en train de déguster, par exemple. Tout à fait, parce que c'est lié au plaisir des sens. Donc pour un philosophe, pour un penseur conservateur, c'est lié au plaisir des sens, et donc forcément il y a quelque chose de contre-nature, dans le sens où la nature n'a pas prévu que l'on ait besoin, par exemple, d'ajouter des épices au plat pour avoir faim, ou qu'on n'a pas besoin d'ajouter de la bonne odeur à un corps pour avoir du désir sexuel pour lui. Donc c'est cette idée que ça vient excéder ce que la nature nous demande, ça vient ajouter quelque chose que la nature ne nous demande pas de faire en réalité. Mais qu'est-ce qui va faire qu'au bout du compte ça va prendre et que ces vieux romains vont être battus à plate couture dans cet empire romain qui va continuer encore pendant 4 siècles, Jean-Christophe Courtil? D'une part, il ne faut pas, je pense, se laisser abuser par l'image que l'on se fait de l'Antiquité à travers la littérature, puisque finalement, ces auteurs qui pourtant constituent pour nous, on va dire, l'essentiel de notre connaissance de l'Antiquité, représentent une infime minorité de la société. Il ne faut pas l'oublier quand même, la société n'était pas faite de ces grands intellectuels, aristocrates, conservateurs, voilà. On peut le voir. Alors par exemple dans le traité d'Apicius, c'est quelque chose qui apparaît clairement. On voit que il est à la mode et pas simplement depuis Apicius. Hein, dont Apicius on le place généralement au 1er siècle de notre ère. Mais ça fait depuis déjà bien longtemps, depuis au moins plusieurs siècles, qu'on a dans les pratiques culinaires romaines une utilisation massive d'épices et de substances aromatiques. Ça a été simplement relié par les conservateurs à cette opposition anti-hellénistique. Oui, et donc il va y avoir effectivement développement de tout cela, puis peut-être... aussi avec l'arrivée de populations qui viennent d'ailleurs et la confrontation avec ces populations qu'on dira barbares, et on pourrait discuter du terme, en tous les cas, de nouvelles odeurs qui vont arriver. On va avoir des odeurs plus fortes, on va même se moquer de ces barbares qui se mettent de la graisse dans les cheveux parce que ça sent trop, ils sont trop forts en l'occurrence par rapport au goût romain, Jean-Christophe Courtil. Oui, là on touche un sujet qui relève en réalité de l'anthropologie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de bonne odeur. C'est-à-dire, je suis persuadé que parmi vous, parmi nos auditeurs, on n'arriverait même pas à se mettre d'accord sur ce qui relève d'une bonne odeur ou pas. Certains vont aimer un parfum, d'autres non. Eh bien, il faut bien s'imaginer que ce qui est perçu comme bonne odeur dans l'Antiquité ne le serait pas forcément par nous. Il s'agit certainement d'odeurs qui sont très très fortes et qui nous insupporteraient en réalité. On est quand même dans une société où on évite le plus possible d'avoir des odeurs trop fortes. Ce sont des odeurs quand même qui sont extrêmement fortes, qui sont extrêmement puissantes. On a des odeurs qui sont musquées. Hein. On a un fixateur généralement dans les parfums antiques encore aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est de l'alcool. Donc ça contribue à au fait d'être enivré par le parfum, mais dans l'Antiquité ça n'existe pas. Donc le fixateur est une matière grasse, une huile, soit de l'huile végétale, donc généralement de l'huile d'olive, mais ça peut être aussi de l'huile, enfin de la graisse animale, et on peut avoir aussi du musc, donc des substances qui sont quand même extrêmement forte, qui a une odeur très forte naturellement, qui en plus vont être mêlées ensuite par macération au bain-marie dans des à des épices ou des écorces ou des branches qui ont elles-mêmes des odeurs extrêmement puissantes. Donc on peut s'imaginer que ce sont des odeurs qui peut-être pour nous, il faut bien le dire, ne relèveraient pas de bonnes odeurs. Alors on sait qu'il y a des tentatives de refaire de la cuisine médiévale ou de la cuisine antique depuis au moins Jean-Louis Flandrin et ses expériences de platine. C'était donc dans les années 1970 avec son groupe de recherche. Est-ce qu'il en est de même justement pour les parfums antiques, de reconstitution de parfums antiques, tout en sachant évidemment qu'on est dans l'expérimentation, Jean-Christophe Courtil, et qu'on est tout de même pas très proche de ce que pourraient être justement ces odeurs rassemblées. Il faut déjà trouver les bons produits, les mélanger, et au bout du compte, notre nez n'étant pas fait à cette odeur-là, eh bien peut-être il y a incompréhension possible, Jean-Christophe Courtil. Oui, alors c'est un nouveau mouvement dans la recherche actuelle. On essaie effectivement de reproduire, de reconstituer les goûts, les odeurs, les sensations. On appelle ça les sensitive studies. Exactement, exactement. Donc c'est un mouvement qui est à la mode. Et donc on a fait ça avec la cuisine, mais c'est plus simple pour la cuisine puisque nous avons des recettes. Donc déjà, bon, c'est l'acte, on va dire. Le loir au miel, on sait comment on peut le faire. Il faut trouver du loir, il faut pouvoir, vouloir le manger, mais enfin voilà. Disons que c'est possible d'essayer. Pour les parfums, c'est plus compliqué parce que d'une part, on n'a pas de récepteur antique de recettes de parfums, ça n'existe pas. Même le De Materia Medica de Dioscoride ne présente finalement que des substances aromatiques pour leur vertu thérapeutique. Donc on n'a pas véritablement de recettes de parfums. Ce que les chimistes actuels font, qui sont spécialistes donc d'analyse chimique de restes organiques, donc il y a des laboratoires, plusieurs laboratoires en France qui travaillent sur ces sujets-là et qui essaient donc d'analyser la structure chimique des restes organiques qui sont laissés dans la céramique grecque. Dans les tombes, voilà, dans les tombes pharaoniques, oui. etc. On a des aribales, des alabastres, on a un certain nombre de céramiques qu'on trouve dans les tombes, qu'on trouve dans les ruines de temples. Alors il faut que ce soit de la céramique dans laquelle on ait laissé de la substance, qu'on n'ait pas trop nettoyé, parce que si ça a été nettoyé trop vivement, il ne reste plus rien. Donc là où il reste quelques petites choses, on peut trouver des substances, et généralement, eh bien, systématiquement, on n'arrive pas à ce qu'on pensait. Donc, c'est un problème, parce qu'on se rend compte que qu'est-ce qu'on pense, et pourquoi n'arrive-t-on pas à ce qu'on pense? Alors, on pense souvent que c'est de l'encens. C'est-à-dire que quand on fouille un temple, on s'attend à trouver de l'encens. Le problème, c'est que l'encens, ça veut dire beaucoup de choses, et que parfois, on est surpris de ce qu'on trouve. Donc, Elisabeth Dodinet, par exemple, dans son article, essaie de montrer que, systématiquement, on a un certain nombre de substances, par exemple le pistachier, dont elle parle, qui ne relèvent pas forcément de l'oliban. Alors, on attend à trouver ce que les Grecs appellent du libanos, c'est-à-dire c'est le Boswellia sacra, hein, c'est-à-dire une des espèces du Boswellia, dont il est très souvent question dans les textes, mais en réalité on en trouve assez peu dans les restes organiques, et on trouve beaucoup d'autres choses, térébinthe dont on a entendu parler dans l'extrait, ou du pistachier, enfin beaucoup de choses, mais qui ne sont pas forcément de ce à quoi on s'attendrait. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme ce qu'on disait la semaine dernière à propos des viandes consommées dans l'Égypte antique, et on est toujours pris à contre-pied quand on est un chercheur. Merci beaucoup, Jean-Christophe Courtil. Vous restez avec nous. Vous êtes maître de conférence en langue et littérature latine à l'université Jean Jaurès de Toulouse, et vous avez coordonné le dossier du nouveau numéro de la revue Palace, PA2L. L'AS, donc Goût et odeur dans l'Antiquité, qui paraîtra au mois de juin prochain aux presses universitaires du Midi. Il y a un parfum que j'aime beaucoup qui est le Paris de Saint-Laurent, et c'est ce mélange de rose et je crois justement de violette. J'ai trouvé ça formidable parce que ça me rappelait des parfums d'autrefois, hein, des parfums comme ça très, très sucrés qu'on n'osait plus trop faire parce qu'il y a la mode des parfums verts pendant longtemps, ou des parfums un petit peu boisés comme ça. Et puis alors on a refait ces odeurs-là que je trouve formidables parce que pour moi c'est les odeurs du souvenir. C'est pas, si vous voulez, la rose qu'on va acheter maintenant chez le fleuriste. C'est les vieilles roses de jardin moussues d'autrefois ou les violettes qu'on allait cueillir comme ça. Il y a des trucs que j'adore, c'est Après l'ondé chez Guerlain, un parfum de 1906, où il y a une odeur d'aubépine fabuleuse. C'est la réunion du côté de Guermantes et du côté de Méséglise. C'est vraiment cette description quand on sent ça. Et il y a une odeur de sous-bois, de terre réchauffée par le soleil, qui est unique en son genre. Un nouvel extrait de cette nuit magnétique datant de 1987 par Pascal Charpentier sur France Culture avec entre autres Marilène Delbourg-Delfis. Bonjour Brigitte Munier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur à Télécom Paris Tech en sociologie et en anthropologie. Vous travaillez depuis longtemps sur cette question des parfums. Vous avez déjà produit un livre sur ce sujet-là. Et vous avez voulu le reprendre avec les dernières recherches. Ça s'appelle « Odeurs et parfums en Occident ». C'est donc aux éditions du Félin. Et une des questions qu'on se pose quand on entend ce petit extrait, c'est à quoi fait appel le parfum ? Parce que tout compte fait, quand on appelle un parfum après l'ondée, on a à la fois la sensation évidemment sensuelle de l'eau qui tombe sur la peau, on a cette idée aussi d'un paysage, parce que ce paysage est donc nécessaire pour imaginer ce qu'est cet après l'ondée, et puis aussi cette odeur, c'est-à-dire que les parfums modernes convoquent tout un tas de sens, alors qu'il n'en représente qu'un seul, a priori. Et pour faire le lien avec ce qui a été dit précédemment, je vous répondrai qu'un parfum est toujours un parfum d'âme. C'est toujours quelque chose d'infiniment spirituel. L'être humain n'aime pas tout ce qui relève du corruptible, du digestif, finalement. Et s'il a utilisé les parfums pour communiquer avec les dieux, c'est pour, saisir ce qu'il y a de plus, enfin l'acmé du spirituel finalement dans toutes les odeurs. Prenez une odeur de fleur, une fois la fleur fanée, elle n'évoquera plus que la sécheresse, la putréfaction. Et on n'aime pas les odeurs de fleurs fanées. Absolument, d'ailleurs. L'odeur de fleur, c'est la spiritualité en quelque sorte de la fleur. Prenez les poèmes de Baudelaire. Baudelaire dit à son aimé « Je croyais respirer le parfum de ton sang ». Parfum de fleurs, parfum du sang, le sang véhicule la vie. L'odeur est toujours synonyme d'âme, de vie, de spiritualité, de tout ce qui transfigure, de tout ce qui relève d'une certaine façon de la transsubstantiation. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sangs. C'est donc, en l'occurrence, évidemment tiré de ces fleurs du mal de Baudelaire, mais cela nous dit beaucoup de choses sur à la fois la façon dont un poète du 19e envisage ces sens et ces odeurs corrompues et ces odeurs qui sont beaucoup plus fraîches comme ces odeurs de chair d'enfant, mais aussi comment il a intégré tous les récits et tous les discours qui précèdent depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui en tant qu'intellectuel pour pouvoir parler du parfum tel qu'il l'imagine au 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y a un discours sur le parfum qui a nourri les imaginaires depuis le début, depuis, si on prend Ronsard pour la langue française, jusqu'à aujourd'hui. Le discours sur les parfums est très ancien. On le retrouve de toute façon déjà chez Platon, qui considérait que c'était un plaisir, enfin, tout au moins dans le Philèbe, c'est un plaisir pur, parce que son absence n'éveille aucune douleur. Mais dans d'autres textes, il condamne le parfum, comme il condamne les mythes, parce que c'est trop de plaisirs qui peuvent être mal exploités, dont on peut profiter mal. Quoi qu'il en soit, effectivement, les écrivains du 19e siècle vont énormément parler de parfums, mais peut-être pas tellement en relation à Platon, Aristote, Théophraste qui a écrit un ouvrage sur les parfums, mais en relation d'une certaine façon à une découverte. Je veux dire par là que le 19e siècle s'ouvre à la possibilité de sentir autre chose que la puanteur. 17e, 18e siècle, vous savez, 17e, on ne se lave plus. Enfin, on ne se lave plus depuis la Renaissance parce qu'on avait fermé les étuves et qu'à ce moment-là, on a fermé les étuves parce qu'on s'est imaginé que les étuves favorisaient la propagation de la peste. Et aussi que la prostitution. Bien sûr, mais le Concile de Trente condamne les étuves. Ambroise Paré condamne les étuves également. Tous les deux, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Effectivement, les étuves étaient bien souvent des lieux de licence. Quoi qu'il en soit, on cesse de se laver. Ça ne veut pas dire qu'on se sent sale, puisque Charles Perrault, dans le parallèle des anciens et des modernes, dit que finalement, les anciens allaient aux étuves, mais aujourd'hui, grâce à la commodité du linge, on peut s'en passer. En d'autres termes, on ne se lave jamais, on se tamponne le corps avec un linge blanc et on s'enduit de parfum. Bon, vous imaginez que tout cela engendrait une puanteur ambiante assez forte, puanteur des corps. Et puis comme il n'y avait pas de tout à l'égout, la crasse des rues, des palais, enfin les crasses des villes étaient abominables. On a commencé à nettoyer à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Ça ne devait pas sentir fort bon, mais néanmoins, on peut se sentir, si je puis dire. Et à ce moment-là, le parfum devient l'auxiliaire le plus précieux de la narration. C'est-à-dire que on peut utiliser des métaphores olfactives pour décrire telle personne, telle situation. Mais oui, c'est le cas en particulier de Balzac, avec la pension Vauquer, évidemment. Qui pue l'hospice. Oui, mais qui dit surtout c'est une odeur de pension. Effectivement, il faut savoir ce qu'est une odeur de pension pour l'avoir vécu. C'est difficile, il faut l'avoir vécu pour la connaître, cette odeur-là en l'occurrence. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de comprendre avec vous, dans Odeur et Parfum en Occident, et avec d'autres chercheurs et chercheuses, pourquoi cette question de l'odorat. Vous nous disiez tout à l'heure que Platon en parlait comme un plaisir, en l'occurrence. Pourquoi cette question de l'odorat a été aussi constamment marginalisée, mise de côté par rapport à d'autres sens qui ont été plutôt privilégiés, la vue et l'ouïe, par exemple. Vous y avez travaillé dans un numéro récent de la revue Hermès, en l'occurrence Brigitte Munier. Écoutez, je vais peut-être vous répondre à la fois à côté, mais en fait au centre, si je puis dire, en évoquant une fiction de Freud dans Malaise dans l'Occident. Malaise dans la civilisation, pardon. Freud imagine qu'autrefois, nos ancêtres marchaient à quatre pattes et étaient enivrés par les effluves montants de l'humus et également par les odeurs émanant de leurs congénères. Et tout d'un coup, l'homme se relève, donc le regard porte au loin. À ce moment-là, il s'aperçoit de la fragilité des organes génitaux qu'il faut couvrir. Les femmes sont confinées pour leurs menstrues et l'esprit commence à fonctionner. En d'autres termes, dans la fiction freudienne... Ça, c'est Freud qui le dit. Ça, c'est Freud. Mais dans la fiction... Mais c'est tout à fait significatif. C'est pour ça que j'évoquais cette histoire. Dans la fiction freudienne, il y a ce divorce, si vous voulez, entre l'odorat, qui est le premier des sens proximaux, mots, si vous voulez, et les autres sens, entre l'odorat et la vue. Alors, pourquoi est-ce que l'odorat a été davantage relégué que le toucher ou le goût? Mais c'est à cause de son association avec la respiration. Kant, au XVIIIe siècle, dit que c'est un sens encore moins social que le goût, et un sens esclave. On ne peut pas s'abstenir de respirer les venins atmosphériques. Car, effectivement, la puanteur était telle que l'on se protégeait comme on pouvait des maladies qui flottaient dans l'air à l'époque de toutes ces mythologies prépastoriennes. Alors, la particularité peut-être aussi de cette civilisation occidentale, et c'est ce que raconte dans son livre La civilisation des odeurs Robert Muchin-Blay, c'est que l'on peut suivre par les goûts et les transformations du goût des choses qui sont derrière ces transformations du goût et de l'odeur, c'est-à-dire on peut y suivre des changements anthropologiques, en l'occurrence Brigitte Munier. La question du virilisme ou de la virilité, et puis la question du rejet de la féminité, par exemple, explique-t-il par les goûts du cuir, pourquoi la période de la Renaissance a mis autant en avant la question du cuir comme odeur agréable, et ensuite l'a rejetée en partie, même si le cuir ou le musc sont encore présents dans les parfums que nous portons aujourd'hui, Brigitte Munier. Oui, l'odeur n'est jamais que l'odeur. Effectivement, au XVIIe siècle, période de fort mauvaises odeurs, on se parfumait au musc et l'auteur dont vous parlez, j'ai lu évidemment le livre, dit que finalement le musc est conçu pour potentialiser des odeurs érotiques, des odeurs personnelles érotiques. Au XVIIIe siècle, les femmes disent aux vieux beaux qui portent ces odeurs musquées, des odeurs cuirées, « Oh, n'approchez pas, vous avez des odeurs !» Puisqu'au XVIIIe siècle, la vision du corps change. En effet, au XVIIe, le corps est statique. C'est-à-dire que on imagine une sorte d'enveloppe fermée, entr'ouverte en raison des pores de la peau, et donc entr'ouverte aux fameux venins atmosphériques que j'évoquais. Donc on portait des vêtements au tissage serré, on s'enveloppait dans une sorte de carapace, on se maquillait d'ailleurs lourdement, et quand on allait dehors, on portait devant soi un pomander, c'est-à-dire une pomme faite de métal, enfin filigrane de métal, ça date de Frédéric Barberousse, du XIIe siècle, et qui était rempli pour les plus riches d'ambre gris. L'ambre de la parfumerie, un extrait de de concrétion intestinale et pathologique du cachalot. On mettait ça en écran devant son visage. À partir du XVIIIe siècle, on considère que le corps est dynamique, c'est-à-dire qu'il échange avec l'extérieur. En d'autres termes, on peut se dégrafer un peu, on peut davantage exposer sa peau. Et en ce sens, on commence à s'ouvrir à des odeurs différentes, notamment des odeurs florales. Puis il y a autre chose, il n'y a pas seulement la conception du corps, il y a la bourgeoisie qui prend de plus en plus d'importance. Et la bourgeoisie se défie des odeurs de cour, qui sont précisément des odeurs musquées. En plus, la bourgeoisie n'aime pas ces parfums qui s'évaporent, qui, en d'autres termes, le fruit du travail s'évapore, puisque les parfums sont coûteux, et on mettra en avant des saveurs dites plus naturelles. Oui, et puis il y a aussi l'invention de l'eau de colonne, qui va parvenir par l'intermédiaire de pharmaciens de Santa Maria Novella, partis du côté de Cologne jusqu'à toutes les cours et même à la ville, donc européenne au milieu du 18e et à la fin du 18e jusqu'au 19e siècle. Et cette eau de Cologne va changer profondément les choses parce qu'on va trouver un nouveau vocabulaire, pourrait-on dire, pour parler des parfums. Je lisais dans votre livre « Odeurs et parfums en Occident », Brigitte Munier, je lisais les familles que l'on utilise aujourd'hui, les familles de parfums, les fougères, les hespéridés, les floraux, les boisés, les chypres, les orientaux, ou encore d'autres comme les cuirs, les ambrés, les fruités, les épicés. Mais tout cela, c'est extrêmement récent. Bien sûr. Ça n'a que même pas un siècle pour certaines de ces familles. Les chypres portent le nom, dites-vous, en référence au parfum très connu de François Coty, qui a été créé en 1917, c'est-à-dire il y a un siècle. Donc, d'une certaine façon, on sait très bien que François Coty avait en tête d'autres parfums qu'il avait pu sentir. Mais néanmoins, ces familles que l'on utilise quand on va dans une parfumerie aujourd'hui sont des familles qui ont été synthétisées ou mises en normes, pourrait-on dire, de façon très récente, au XXe siècle. Oui, tout à fait. Enfin, c'est l'effet de la parfumerie alcoolique qui date de la fin de la parfumerie de synthèse, pardon, excusez-moi, qui date de la fin du XVIIIe siècle. Et par exemple, fougères, vous évoquiez les fougères, c'est une famille de parfums qui ne renvoie pas véritablement à la fougère de jardin ou fougère des bois. C'est Paul Parquet qui a composé Fougère royale pour Houbigant. Et il a dit, si les fougères sentaient quelque chose, elles sentiraient Fougère royale. En fait, c'est un mélange de géranium, de coumarine, de bergamote et de mousse de chêne. En fait, ça m'étonne un peu d'ailleurs, parce que quand on froisse des fougères dans les mains, l'odeur est absolument délicieuse. En tout cas, l'odeur de fougère royale n'a rien à voir avec les fougères. Oui, c'est ce que disait Jacques Guerlain, un des descendants du fondateur, la famille Guerlain. Un parfum réussi, c'est celui dont l'odeur correspond à un rêve initial. C'est-à-dire que, tout compte fait, on se fiche un peu de ce qu'est l'odeur réelle qu'on est en train de sentir, mais il faut que cela corresponde au rêve de celui qui l'a créé. Et donc, s'il a pensé qu'il faisait une odeur de fougère, eh bien, il fait une odeur de fougère et tout le monde appelle ça désormais fougère, c'est cela? Oui, oui, c'est toujours une odeur de rêve, c'est toujours une odeur d'âme. Mais vous évoquiez l'eau de Cologne. Bon, là, effectivement, c'est peut-être aussi une descendante de l'aqua mirabilis, de l'eau de la reine de Hongrie, enfin un alcoolat à base de romarin. Mais la différence aussi, c'est que cette fameuse eau de Cologne dont Napoléon usait beaucoup, hein, puisqu'il achetait de l'eau de Cologne rue du Faubourg Saint-Honoré, eau de Cologne produite par un descendant de Jean-Marie Farina. Hein, qui était un des inventeurs. Voilà, tout à fait. Enfin, auparavant, à Cologne, justement. Et il achetait ça dans des flacons dits clissés, enfin des flacons allongés qu'il pouvait mettre dans ses bottes. Et il en consommait 60 par mois. C'est quand même énorme. Mais il en avalait. C'est-à-dire que le parfum avait une vertu thérapeutique et l'a gardé pendant très longtemps. Donc il s'en servait comme sambon, si je puis dire, comme cordial. Il s'en servait en friction. Pourtant, lui-même a promulguer une loi selon laquelle il fallait distinguer l'usage thérapeutique, l'usage pharmaceutique de l'usage hédonique. Alors on a parlé au tout début, on en reparlera en fin de semaine, jeudi, dans notre émission conclusive de cette série, de la question du sacré et de la religion. Et vous dites, en analysant la façon dont les publicitaires, les concepteurs de parfums du 20e et du début du 21e siècle procèdent, vous dites, Brigitte Munier, qu'en fait, on suggère souvent le sacré pour les parfums modernes, c'est-à-dire qu'on ferait le pont vers l'Antiquité ou vers la période chrétienne, où là aussi les parfums et les encens sont extrêmement utilisés pour pouvoir parler à Dieu et pour pouvoir parler de Dieu. On ferait le pont pour pouvoir justement dire que ce que l'on porte dans une époque déchristianisée ou éloignée de la religion, eh bien, dit quelque chose du sacré. Pour moi, oui, tout à fait. Si vous regardez une publicité qui a couvert les murs de Paris à une époque pour Organza Givenchy, on voyait un flacon avec la forme d'un corps féminin habillé d'une sorte de robe plissée en verre dépoli. Il y avait à côté une femme vêtue d'une tunique plissée, comme s'il y avait isomorphisme entre le flacon et la femme déclinée finalement sans la chair, puisqu'elle n'est femme parfum, elle est remplie de parfum. Et en dessous était inscrit quelque chose en moi d'immortel. Je trouvais ça significatif parce que tout le monde a reçu cette publicité sans s'étonner. Et effectivement, la vocation du parfum, à mon sens, c'est de transfigurer l'organique, d'aller au-delà de la vie physiologique. En effet, à l'origine, l'homme ne dit pas « je suis fini », c'est une notion philosophique, mais il dit « je pue ». Par opposition aux dieux qui sentent bon. Et à l'époque d'Homère, quand tout d'un coup Callias se trouvait à côté d'un autre personnage et embaumait, ben c'était pas Callias, c'était un dieu qui avait pris la forme de Callias. Donc les dieux sentent bon parce qu'ils n'ont pas de vie digestive, vous l'avez évoqué précédemment, ils ne se nourrissent pas de substances matérielles, mais simplement de parfums, d'ambroisie, de nectar, etc. C'est pourquoi ils embaument, ils ont bien une vie érotique, mais ils n'ont pas de vie physiologique. Et cette idée de sacralité, de divinité a perduré puisqu'on retrouve ce vocabulaire appliqué à des personnes saintes, par exemple dans la Bible, dans le judaïsme, la reine Esther, et puis le Christ qui s'offre en odeur agréable. Quant à l'odeur de sainteté, on l'explique par le fait qu'un corps qui embaume est un corps dont l'âme était tellement pure qu'elle a entraîné la chair corruptible dans son processus de sanctification. Donc en plus, quand on respire l'odeur de violette, dit-on, du corps mort en odeur de sainteté, on respire la sanctification et donc la grâce de Dieu. Alors il y a tout de même quelque chose qui rompt avec cette vision, vous êtes sociologue, c'est qu'il y a aussi de la sociologie ou du social dans l'odeur. Vous rappelez comment Zimmel, qui est un des fondateurs de la sociologie, dit que la question sociale est aussi une question de nez. Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'aime pas l'ennemi. On sait depuis un livre d'il y a une dizaine d'années qu'il y avait une odeur de l'ennemi qui était supposée représenter l'Allemand pendant la Première Guerre mondiale. Tout à fait. Mais on n'aime pas non plus celui qui n'appartient pas à sa classe sociale. On le sent pas. On peut pas le sentir. Oui, effectivement, mais quand écrit Zimmel, la puanteur ambiante est effectivement assez grande et Alain Corbin dit que l'usage du stéthoscope a été inventé non pas tellement à des fins d'hygiène, mais pour éloigner l'oreille du médecin de la poitrine suante et puante du malade. Effectivement, à partir du moment où on a commencé à désodoriser la ville, les maisons, les pièces, à ce moment-là, il y a eu l'infamante odeur du pauvre, dans la mesure où le riche, qui effectivement au XIXe siècle commençait à vivre dans des quartiers désodorisés, dans de beaux appartements avec des amorces de dispositifs d'hygiène, le riche ne pouvait pas comprendre comment le pauvre pouvait à ce point se complaire dans ses propres puanteurs. Le pauvre manquait d'accès à l'eau, manquait d'accès à tout ce qui lui aurait permis finalement de chasser l'odeur, mais dans la mesure où il était responsable des miasmes qu'il imposait aux riches, lui communiquant même ainsi des maladies, la mauvaise odeur était immorale. Merci, on peut avoir intérêt à vous lire, en l'occurrence Brigitte Munier, pour continuer cette discussion. Odeur et parfum en Occident, qui fait l'ange, fait la bête, c'est paru aux éditions du Félin. Et je vous propose d'écouter un extrait du documentaire qui passera demain, une balade au musée Czernuski, où vient de commencer la culture de l'encens au temps des empereurs. Ça s'appelle Parfum de Chine, une exposition fort intéressante dont nous parlent Séverine Yattard et Séverine Cassard. C'est dans l'émission de demain. Au début de ce parcours, il y a une série de brûle-parfums en forme de coupe et l'un d'entre eux est particulièrement séduisant du point de vue visuel. C'est un brûle-parfum qui